Clermont-Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous propose Franck Ferrand à l'occasion de la traditionnelle Fête des Lumières. Bonjour Franck, vous êtes en public aujourd'hui. Et oui, bonjour Anissa. Écoutez-le, le public lyonnais est venu en masse dans les studios de TLM. Ah, nous avons des lumières plein les yeux. Au cœur de la capitale des Gaules, au confluent du Rhône et de la Saône, ai-je besoin de vous le dire. C'est aujourd'hui le premier jour de la Fête des Lumières, qui depuis une petite vingtaine d'années a pris, vous savez, un caractère spectaculaire et attire à Lyon des millions de visiteurs. Et pour commencer cette émission, c'est un Lyonnais hors du commun et cependant méconnu que je vous propose de découvrir, Pierre Poivre, chasseur d'épices sous Louis XV. Pour nous parler de lui, je recevrai ensuite un jardinier botaniste de la ville de Lyon, Jean-Pierre Griennet. Quant à Lorena Martin, qui a fait le voyage évidemment ici jusqu'à Lyon, Lorena n'est jamais loin quand il y a un voyage prévu. Elle nous parlera de grandes tables et de plus petites. Si vous êtes déjà allé à l'île Maurice, ou mieux, si vous êtes originaire de l'île Maurice, il est probable que vous ayez déjà entendu ce nom, plutôt facile à retenir, Pierre Poivre. Poivre, c'est cet explorateur, ce botaniste qui a créé le fameux jardin des pamplemousses. Alors, il n'a pas fait que cela. C'est un homme, somme toute, assez méconnu, mais nous avons quelques minutes pour essayer de le découvrir. Patrick Poivre d'Arvor, son arrière-arrière-petit-neveu et préfacier de ses mémoires, parle, je cite, « d'un esprit méconnu, aventurier, philosophe, humaniste, bourlingueur, botaniste, explorateur ». Pierre Poivre, nous dit-il, a l'étoffe d'un héros type du XVIIIe siècle. Malheureusement, quoique doté d'un fort caractère et d'un goût effréné pour l'indépendance, y compris à l'égard de son roi et de sa cour, il n'accomplit jamais d'action d'éclat qui aurait pu lui assurer une postérité égale à celle des grands noms de la Compagnie des Indes. Il n'avait qu'un goût modéré pour la publicité. En un mot, c'était un sage. Oui, c'était un sage, sans doute, mais un sage dont la vie ressemble furieusement à un grand roman d'aventure, roman dont il a laissé des traces, parce que quand même, il faut le dire, et ça c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est que cet homme a écrit, il a écrit des journaux, il a laissé des mémoires de voyage, des lettres, qui révèlent tout le suc du personnage. Alors, où est-ce que tout cela commence? Ben d'après vous, pourquoi est-ce que nous parlons aujourd'hui de Pierre Poivre? Évidemment, ça commence à Lyon. Il naît sous la Régence, Pierre Poivre, plus précisément en 1719, dans une famille de négociants en soierie. Sa famille est installée depuis longtemps dans la capitale des Gaules. Elle fait partie de ces lignées d'artisans, de commerçants qui ont fait la gloire et qui ont fait la fortune de Lyon. Lyon, la marchande, Lyon, la commerçante et la négociante, bien entendu. La famille est présente dans la région depuis la fin du Moyen-Âge. Lui-même, Pierre, a fait ses études à la Croix-Rousse, au collège religieux des frères missionnaires. Il va devenir un frère missionnaire à son tour. Il poursuit sa formation à Paris, notamment au sein des missions étrangères. Alors, on est vraiment en présence du bon élève, doté d'une incroyable, magnifique agilité d'esprit, comme on en croisait tant en cette période du début du XVIIIe siècle. Il se passionne en particulier pour deux disciplines, les sciences naturelles et la botanique. Lorsqu'il n'a que 21 ans, donc 21 ans c'est assez facile, il est né en 1719, donc nous sommes en 1740, en plein milieu, en plein cœur du règne de Louis XV, Pierre Poivre suit son chemin, il est envoyé en Chine pour une mission d'évangélisation. On peut dire que c'est une mission risquée, évidemment, dans un pays qui n'est pas tendre avec les chrétiens qui venaient y prêcher la bonne parole. C'est que tout l'Extrême-Orient a vu périr énormément de missionnaires à ce moment-là. Pierre ne tarde pas à vérifier lui-même la difficulté des conditions sur place. L'expédition tourne mal. Le jeune homme est emprisonné après avoir posé un pied sur le sol de l'Empire du Milieu. Et cette incarcération qu'on lui fait subir, eh bien, il va la mettre à profit pour apprendre déjà le chinois. C'est pas rien, ça, d'apprendre comme ça la langue chinoise, acquis essentiel, qui lui permet de se défendre. Pierre fait impression sur ses accusateurs par les connaissances scientifiques étendues dont il fait montre. Il va être libéré et aussitôt, il reprend sa mission première, qui est de faire connaître l'évangile aux populations chinoises. Inutile de vous dire qu'il n'a pas beaucoup de succès. C'est néanmoins sous cette première vocation que va en percer une autre. Et cette autre vocation, c'est sa vocation de chercheur sur les plantes qui poussent dans ce pays du bout du monde. Bien entendu, en Chine, qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien, toutes sortes de variétés de riz. Et puis, Et puis, ce qui fait que tant d'explorateurs s'étaient jusque-là aventurés dans les confins du monde connu, des épices, évidemment. J'y fis des observations sur le commerce de ce royaume, explique-t-il, observations que nous ne connaissions pas encore. J'en étudiais l'histoire naturelle qui me fournit une grande collection. Cette collection, elle est son trésor, d'une certaine manière. C'est ça qui compte avant tout à ses yeux. En 1745, il est exclu des missions étrangères. Il va donc devoir rentrer en France, mais il ne rêve lui que d'une chose, repartir. Repartir pour les vastes horizons d'Extrême-Orient, pour aller explorer de nouveaux paysages et apprendre à connaître de nouvelles plantes. La route du retour se passe néanmoins très différemment de ce qui était prévu. Le navire de la Compagnie des Indes orientales est attaqué par les Anglais. À l'époque, les Anglais sont nos ennemis, hein, on va y revenir tout à l'heure. Le navire est attaqué dans le détroit de Banca. Notre Pierre est blessé par un tir de canon. Il va perdre la main droite. Il risque la mort. De surcroît, il est capturé, emprisonné à Batavia, l'actuelle Jakarta, qui à l'époque est un port prospère, possession hollandaise s'il en fut. Il va rester là-bas pendant 5 mois. Et là, malgré toutes ses infortunes, bien d'autres y auraient laissé la vie. Eh bien, lui va continuer à chercher, à s'informer. Il trouve là de quoi aiguiser sa curiosité. Il observe l'arrivée, le départ de cargaison de muscade et de girofle. Voilà deux plantes dont nous allons avoir l'occasion de reparler tout à l'heure. Et au milieu du XVIIIe siècle, on peut dire que la Hollande contrôle complètement ce commerce des épices. C'est Pierre Poivre qui vous parle maintenant. J'appris que cette riche possession des épiceries, qui est la base de la puissance hollandaise aux Indes, avait pour principal appui l'ignorance et la lâcheté des autres nations commerçantes de l'Europe, et que pour partager avec les Hollandais cette source intarissable de richesses qu'ils possèdent en secret dans un coin du monde, il suffisait de la connaître et d'oser vouloir la partager avec eux. À sa libération, Pierre rejoint Pondichéry, puis l'île de France. Bien sûr, il ne s'agit pas de la région île de France. Hein. Bien sûr, je parle de l'ancien nom de l'île Maurice. Là, il se souviendra de tout ça. « Je parcourus cette île », racontera-t-il. « J'examinais ses productions. J'en reconnus une grande partie pour être les mêmes que celles qui se trouvent aux Moluques. Je vis beaucoup de plantes aromatiques. J'y observais le cannelier, le ravensara qui avait été transplanté. Ces arbres, bien que négligés et sans culture, n'avaient rien perdu dans le sol de l'île de cet aromate, c'est-à-dire de cet arôme, si vous préférez, précieux, qui fait leur caractère et leur mérite. Je formais le projet d'enchérir notre compagnie des Indes en lui faisant partager avec les Hollandais la possession et le commerce des épices. » Voilà un homme qui se révèle nettement plus ambitieux que ce que le début de sa vie aurait pu laisser imaginer. Pierre va commencer un travail considérable, travail dont nous aussi, d'une certaine manière, nous sommes redevables. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, pour cette émission spéciale depuis la Fête des Lumières à Lyon, vous nous proposez de suivre l'itinéraire d'un aventurier lyonnais sous Louis XV, Pierre Poivre. Vous nous l'avez raconté il y a un instant, il a découvert l'Asie lors d'un premier voyage. Son retour a été émaillé de péripéties, mais il est parvenu sur l'actuelle île Maurice, alors française. Mais avant d'en savoir plus sur ce voyage, je me pose quand même une question, Franck, aujourd'hui. Que représente l'Empire colonial français à cette époque? Disons qu'au début, dans les premières années du règne de Louis XV, la France possède des territoires quand même nombreux, certes très dispersés sur le globe. Vous savez qu'elle est très présente notamment en Amérique du Nord, dans ce qu'on appelle la Louisiane, qui n'est pas la Louisiane actuelle. C'est la Louisiane actuelle plus tout le reste des grandes possessions françaises, notamment le Québec. Elle est présente aux Antilles. Les Antilles, riches d'une importante production sucrière qui joue un rôle essentiel dans le commerce et le grand négoce français, avec notamment toute une partie de Saint-Domingue, avec la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, etc. La France possède aussi quelques possessions en Afrique, alors à l'époque moins nombreuses évidemment que ce qui va arriver au siècle suivant. On a l'île Maurice, notamment, je vous parlais de cette île de France, et puis des comptoirs aux Indes, rappelez-vous, Pondichéry, Chandernagore, Karikal, Mahé, Yanaon, etc. La France va perdre une bonne partie de tout cela après la guerre de 7 ans et le terrible traité de Paris en 1763. Vous savez, on a dit que lorsqu'il a appris la perte notamment du Canada, Voltaire a parlé de la perte de quelques arpents de neige, ce que les Québécois aujourd'hui encore lui reprochent et lui reprochent amèrement. Louis XV, lui, était incontestablement conscient de ce que nous perdions et nous avons dans cette affaire, disons-le, perdu gros. Alors, Revenons à notre bonhomme, là, à notre Pierre Poivre, qui va maintenant tenter de rentrer en métropole. Je dis bien tenter, parce qu'encore une fois, les difficultés ne vont pas manquer. Pour commencer, son navire est pris dans une tempête. Naufrage terrible. Quelle vie, hein, quand même, ça fait rêver. Je pense que notre invité est en train de préparer, il ne veut pas trop le dire, mais il est en train de préparer un livre sur le sujet, et je le comprendrai, moi. Le bateau est donc victime d'un naufrage. Pierre, ai-je besoin de vous le dire, est du nombre des rescapés. Il est récupéré par un autre navire néerlandais, lui-même arraisonné ensuite par un corsaire malouin, et comme si ça n'était pas suffisant, l'équipage tombe aux mains des Anglais. Allez, retour à la casse-prison. On est là en 1748, hein, sur l'île de Guernesey. Pierre est coincé, il va pouvoir assez vite rentrer dans le royaume de France. Il a un projet en tête, implanter dans des jardins en terre française un certain nombre d'arbres à épices. C'est ce qu'on doit appeler l'acclimatation, si je ne m'abuse. Des girofliers notamment, des muscadiers, enfin, etc. Il veut les acclimater en France et pour ça, il faut des moyens. Il va convaincre la Compagnie française des Indes et, grâce à de nouveaux subsides, reprend la mer. Cette même année, 1748, hein, il part cette fois de l'Orient avec une mission, développer le commerce des épices avec la Cochinchine. La Cochinchine, le cœur de l'actuel Vietnam, si vous voulez. Il raconte « Je m'embarquais sur ce vaisseau avec deux commis, deux enfants de langue et un chirurgien. Le voyage est long. » Pas mal d'escales au Cap, à l'île de France, bien sûr, au comptoir de Pondichéry. Puis enfin, en août 1749, les côtes de la Cochinchine. Ouf, j'ai envie de dire, on y est. Évidemment que Pierre Poivre va faire sa récolte. Il ramènera sur l'île de France des cannéliers, des poivriers, entre autres. Il constitue les premiers plans d'un jardin d'essai. Ça n'est pas fini. Hein. Il repart pour Canton, en Chine, le 2 juin 1750. Alors là, arrivé sur place, il apprend qu'un marchand chinois a apporté des sacs de noix muscade dans un bâtiment malais. Eh bien, il va récupérer 300 noix fraîches. Il en plante quelques-unes et rapidement, ça marche. Une douzaine de ces graines va germer, sortir de terre. Et c'est le même chinois qui lui transmet 3000 noix muscade. Il le raconte dans une lettre datée du 12 février 1752. Mais déception, il n'a pas de giroflier parmi tout ce qu'il voulait rapporter. Je pensais que l'unique moyen d'acquérir les plants de giroflier était de me servir de quelque embarcation du pays pour aller moi-même ou envoyer quelqu'un de confiance à la recherche de ces plants dans les îles où ils croissent à l'insu des Hollandais, racontera-t-il. Mais tous les petits bâtiments qui auraient été propres à cette opération avaient été arrêtés par le gouvernement. Dans cette circonstance, je m'adressais au gouvernement général des îles Philippines, je lui confiais par degrés le secret de mon entreprise, je le mis dans mes intérêts et l'amenais à faire avec moi une convention relative à l'exécution de mon projet. Ce gouverneur me suggéra divers moyens dans lesquels il m'eût aidé sans se compromettre, mais ces moyens devinrent impraticables par le défaut d'embarcation convenable dont le pays manquait absolument. Enfin, il me proposa de lui-même, comme le plus sûr de tous les expédients, de demander à nos îles une frégate, à condition qu'elle ne paraisse à Manille que sous un pavillon asiatique suivant l'usage. Nous convînmes de l'état de cargaison que cette frégate devait apporter. Ça ne va pas très bien fonctionner, cette opération, disons-le. Finalement, Pierre rentre tout de même triomphalement avec 5 muscadiers. Il en avait embarqué 19 hein, au départ. Il débarque avec 12 plants à Pondichéry. Le directeur du jardin d'essai de l'île de France récupère tout ça. Ce sont quelques plants qui ne suffisent pas à l'ambition de notre botaniste. Il explique lui-même « J'avais déjà rempli, seul et sans secours, la moitié de ma mission. Il ne me restait plus à acquérir que les girofliers. » Ah, il les veut, hein, ces girofliers. Alors, en 1754, il reprend la mer, il a 35 ans, il tente d'accoster aux Moluques. En vain, il s'arrête sur l'île de Timor où il récupère des plants, des noix muscades. « Je les trouvais presque sans aromates, dit-il, c'est-à-dire avec beaucoup moins d'arômes que ce qu'il aurait voulu. Je regardais ces plants comme une espèce sauvage qui ne pouvait servir que pour la curiosité. » Il est bientôt de retour sur l'île de France avec ses plants, avec des esclaves, de la cire brute. Mauvaise surprise, les plants ne veulent rien savoir, si je puis dire. Ils ne prendront pas, ils sont morts. Le responsable a l'air tout trouvé, c'est le directeur du jardin d'essai. Et là, on peut dire de Pierre Poivre qu'il est fâché contre le missionnaire qui aurait délibérément empêché leur développement. « Le seigneur Aublet, nous dit-il, trouvé pendant la nuit à rôder autour du jardin, ne peut être que soupçonné d'un mauvais dessein. » Ah, ça lui fait pas plaisir, ça, à Pierre Poivre. Du coup, il décide de rentrer à Lyon. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Vous avez quitté la rue François 1er à Paris, Franck, pour une émission spéciale depuis la Fête des Lumières à Lyon, où vous nous proposez de suivre l'itinéraire de cet homme, Pierre Poivre, cet aventurier, qui décide de rentrer à Lyon. Oui, il va rentrer à Lyon, on est en 1757. Cette émission est en public, je le signale pour les auditeurs qui ne nous verraient pas en ce moment sur les antennes de TLM. Le public est là, il est présent, le public lyonnais. Donc, Pierre est de retour en France métropolitaine en avril 1757. À ce moment-là, il a 38 ans et il raconte « Je me présentais à la Compagnie des Indes dès le mois de mai, mais je ne pus obtenir de réponse qu'à la fin de septembre. Cette réponse fut qu'on n'avait aucune connaissance des opérations que j'avais faites aux Indes. Il y avait cependant un carton rempli de mes lettres, journaux, mémoires et autres pièces que j'avais envoyées annuellement. » C'est quand même incroyable, le pauvre homme qui était convaincu qu'on suivait haletant toutes ses pérégrinations à travers le monde et qui se rend compte que tout le monde s'en moque en vérité. Quand même, les autorités vont reconnaître son œuvre. Le roi Louis XV l'anoblit. Il va devenir un homme célèbre, Poivre. Il est le grand savant botaniste que l'on reçoit à l'Académie royale, dans les beaux salons parisiens. Sa future femme n'a que 9 ans à cette époque, mais elle se souvient de cet homme de retour sur ses terres. C'est elle qui parle cette fois. « Je me rappelle encore ce jour où tu rentras dans ta ville natale. Ce jour où, avec ta respectable mère, ton frère, ta belle-sœur, modèle de toute vertu, avec mon vieux père, avec un concours de bons citoyens, nous allâmes au-devant de toi où je te vis pour la première fois. Tu n'avais pas encore 40 ans et cependant, que de choses tu avais vues, que de choses tu avais faites. Je te vois encore tel que tu étais dans ce jour qui ne s'effacera jamais de mon cœur. Ta physionomie était douce et calme. Elle exprimait la bonté, la bienveillance. » Ah, elle le voit avec les yeux de l'amour, la gamine. « Tes yeux noirs étaient pleins de vivacité. La taille était élevée. Une dignité naturelle régnait dans ton maintien. La noblesse de ton âme se peignait dans tes traits. » Oh non, je t'ai plus. Les aventures de Pierre, à ce moment-là, ne sont pas encore terminées. En 1766, il est nommé grand intendant des îles Mascareigne. Le voilà donc à Port-Louis en 1767. Là, il a près de 50 ans. Il monte une nouvelle expédition vers où, d'après vous ? Eh bien, vers les Moluques, qui l'obsèdent littéralement. Alors là, lui, en raison de son âge, cette fois, ne prend pas la mer. Mais l'expédition n'en est pas moins une réussite. Un chef local va céder à l'envoyé de Pierre Poivre d'importants plants de muscadier et de girofliers. Ça y est, la raison de cette cession, eh bien, il avait eu maille à partir avec les Hollandais, ce bonhomme, et il a voulu se venger, tout simplement. Ses plans sont donc rapportés sur l'île de France et sur l'île Bourbon, et puis expédiés dans d'autres territoires français, les Seychelles, jusqu'en Guyane. Sur l'île de France, Pierre va créer un jardin sur sa propriété, jardin connu aujourd'hui sous le nom de Jardin botanique des Pamplemousses. C'est très célèbre là-bas, bien entendu. Il s'étend sur 37 hectares de nos jours, non loin de Port-Louis, au nord de l'île. En 6 ans, Pierre participe au développement de l'île. Il y organise les plantations. Il va briser les monopoles des Hollandais sur les épices. Et il acclimate girofle, muscade, poivre, cannelle, pas seulement. Des espèces végétales comme des arbres fruitiers, fruits à pain, litchi, manguier, badamier, mangoustan, cacaoyer, canne à sucre, évidemment, etc. Nous voilà en plein dans les rayons d'une épicerie fine, si je puis dire. Grâce à Pierre Poivre, l'Europe et plus spécialement la France vont connaître de nouvelles saveurs. Bonjour Jean-Pierre Grienet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à Lyon. Vous êtes chez vous, si je puis dire, et vous êtes doublement chez vous parce qu'on peut dire que cette vie de Pierre Poivre, vous la connaissez bien. Poivre, un nom prédestiné, si j'ose dire. Oui, bah Pierre Poivre, il s'appelle, c'est le hasard un petit peu qui s'appelle Poivre. Mais... Parce qu'on parlait déjà de Poivre avant, il faut le dire. Ce n'est pas lui qui a donné son nom à l'épice rare. Non, pas du tout. Mais le nom de famille Poivre, c'était très courant au XVIIIe siècle, notamment à Lyon. Oui. Alors, il est d'une famille lyonnaise. Il n'est pas né sur les bords d'une mer ou d'un océan, cet homme-là. Il n'a pas traîné ses guêtres dans les ports, étant jeune. D'où lui vient cette espèce de soif de voyage ? Bah, c'est forcément la passion pour les plantes tropicales. Toutes ces plantes qui arrivent de très très loin, puisque quand on part chercher des épices et d'autres plantes utiles, eh bien, il faut des mois de bateau. Et... En fait, il a envie de voyager, il a envie de... Il est missionnaire au départ, ne l'oublions pas, hein. C'est un homme de la religion, tout à fait au oui, départ. Oui, mais ça ne l'a pas trop intéressé. Hein. Il était plus intéressé par les végétaux et le commerce international. Et il n'est pas resté missionnaire parce que c'est... Enfin, ses responsables, en fait, tout simplement, lui reprochaient d'être beaucoup trop gourmand, trop curieux et de s'intéresser beaucoup plus aux végétaux que sa mission principale. Oui, c'était un marchand, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est un négociant, c'est un homme qui a un sens de la géopolitique, qui veut tailler des croupières hollandais, c'est même quasiment une obsession chez lui. Son but quand même, derrière les plantes rares, derrière les saveurs et les arômes, ce qu'il appelle les aromates, c'est quand même bien de faire fortune. Non. Non. Non, c'est un gentil. En fait, il fait ça. En fait, il s'est aperçu qu'en voyageant, il s'est toujours intéressé au peuple qui cultivait les végétaux. Et autant en Afrique, il trouvait que les peuples consommaient principalement du manioc 3 fois par jour. Il trouvait que c'était assez léger dans sa façon de vivre, alors qu'il adorait la vie en Asie. Et il trouvait que les Chinois, par exemple, passaient leur temps à cultiver les terres. Il admirait les rizières, par exemple. Alors, on va y venir. On va venir sur l'ensemble des découvertes qu'il a faites, des acclimatations qu'il a également réussies. Elles sont nombreuses. Avant cela, je voudrais qu'on parle un peu de Lyon et de ce qu'il y a de botanique à Lyon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Franck, aujourd'hui vous avez quitté la rue François 1er pour le cours Lafayette à Lyon, puisque vous nous proposez une émission au cœur de l'histoire depuis les studios de TLM, Télé Lyon Métropole, une émission consacrée à Pierre Poivre. Et votre invité Franck est Jean-Pierre Griéné, il est jardinier botaniste au jardin botanique de la ville de Lyon. Il existe depuis quand ce jardin botanique de Lyon, Jean-Pierre Griéné ? Il a été fondé en 1796, sur les pentes de la Croix-Rousse, entre le Rhône et la Saône. Mais bien avant, il y avait plusieurs jardins. Il y a une tradition de la botanique dans la région. Il y a en tout cas un climat favorable, il faut le dire quand même. La région Rhône-Alpes, en fait, quand on fait un rayon autour de la ville de Lyon, un rayon de 80 km, il y a tellement de biotopes différents que le botaniste, le naturaliste qui a envie d'étudier les végétaux, il a presque tout sur place. Oui, il est gâté ici, en fait. Tout à fait. Pierre Poivre avait visité, quand il était enfant, il avait visité des jardins un peu hors du commun, un peu extraordinaires. Est-ce qu'on sait ça ? Est-ce qu'on a un moyen de le savoir, en tout cas ? En fait, les quelques jardins dans la région étaient plutôt privés. Mm-hmm. Il y en avait des très importants, mais pas forcément connus. Mm-hmm. Il n'y avait pas de jardin où le public visitait. Ce n'était pas du tout dans l'époque. Oui. Lyon est quand même une ville. Alors bon, évidemment, on pense tout de suite à la soierie, etc. Mm-hmm. Ça, on aura l'occasion d'en reparler pendant le cours de cette émission. Mais Lyon est aussi une ville qui, très tôt, s'impose par sa dimension culturel, si je puis dire. Il ne faut pas oublier que c'est la grande ville de l'imprimerie, quand même. Et qu'il y a beaucoup de savants dans cette ville. Et qui dit savant, dit souvent botaniste, non ? Il y en a eu, d'ailleurs, des botanistes connus à Lyon. Hein. À Lyon et dans la région, il y a plein de botanistes, de naturalistes. Mm-hmm. En fait, il faut plus. Oui, alors voilà, c'est vrai, si vous avez raison. Oui. Parce qu'en fait, à l'époque, on s'intéressait aux sciences naturelles. Donc aussi bien la botanique, les insectes, les animaux, la géologie, mm-hmm. tout ce qui est sciences naturelles. Et donc, parmi les noms qu'on peut citer, Claret de la Tourette ? Claret de la Tourette, Philibert de Commerçon, les Jussieu, mm-hmm. quand même, oui, Bernard sûr, de Jussieu, tout, c'est quand même oui, un sûr. Des plus grands botanistes qu'on a eu en France. Il a été médecin du roi, botaniste de Louis XV. C'est lui qui avait passionné Louis XV pour la botanique et qui lui a fait construire ses premières serres à Versailles. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et puis l'abbé François Rosier, le bien nommé. Tous ces gens donc montrent qu'il y avait quand même une prédilection de cette région lyonnaise pour le sujet de Pierre Poivre, d'une certaine manière. Alors lui s'est trouvé amené, par les circonstances que j'ai racontées, à voyager énormément. Et ce qui le passionne, ce qu'il captive notamment dans le cours de ses voyages, ce sont les plantes rares, celles qu'on n'a pas encore réussi à acclimater en France. L'acclimatation est une chose qui existe depuis déjà longtemps, depuis le XVIe siècle, au bas mot. Oui, depuis les premiers jardins botaniques, voilà, c'est ça, oui. Au XVIe siècle, XVIIe et puis bien après. Mais encore aujourd'hui, quand on découvre des nouveaux végétaux, on veut les acclimater. Et acclimater une plante, ce n'est pas rien, parce qu'il faut connaître le lieu où elle grandit, comment elle pousse, son climat, le sol, son exposition. C'est comme tout le monde qui a un jardin, il faut connaître son jardin pour Alors, cultivées. Soyons honnêtes, la fortune gigantesque de la Hollande de l'époque, les fameuses provinces unies qui ont donné du fil à retordre à Louis XIV notamment, cette fortune, elle est fondée en grande partie sur les épices en général et sur la cannelle en particulier, dont ils étaient en quelque sorte, dont ils avaient le monopole. Est-ce que Pierre Poivre n'est pas un peu allé leur piquer leur commerce ? Est-ce qu'il n'est pas le voleur d'épices d'une certaine manière ? Alors c'est surtout girofliers et muscadiers. Oui d'ailleurs. C'est, hein, oui. C'est principalement les épices les plus rares de l'époque, les plus chères. Les Hollandais avaient le monopole sur les toutes petites îles Moluques qui sont très très loin au fin fond de l'Indonésie. Et le problème c'est que... Avec des expéditions très coûteuses et très périlleuses, ouais, hein, pour aller chercher ces épices incroyables à l'autre bout du monde. Eh bien en fait, ils contrôlaient toute la zone. Ils allaient même en expédition dans d'autres îles voisines pour massacrer carrément les arbres à épices qui risquaient d'être trouvés par des Français, par exemple, ou des Anglais. Et le problème, c'est qu'il fallait que les épices continuent à arriver au compte-gouttes en Europe. Donc à Jakarta, la plaque tournante... On gérait la pénurie, hein, c'est le cas de le dire. Ça faisait de la spéculation, en fait. Une fois par an, à Jakarta, il y a des montagnes d'épices qui brûlaient pour que ça arrive tout en petite quantité, que ça reste à des prix très chers. Ah oui. Et donc, évidemment, tous ceux qui, anglais ou français, vont essayer de contourner cette voie royale des épices hollandaises, vont être mal vus, disons-le. L'idée de Pierre Poivre, c'est qu'il peut commencer par acclimater, réacclimater ces espèces sur des étapes intermédiaires. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de venir tout de suite planter ça dans le sol de la métropole française. Il s'installe dans un premier temps à l'île de France, c'est-à-dire à ce que nous connaissons, nous, comme l'île Maurice. Oui, à l'époque, c'est... La Réunion, l'île Maurice et les Seychelles, qu'on oublie souvent. Et en fait, les Seychelles sont situées à peu près au même niveau que les îles Moluques. Donc ça, du point de vue du climat, c'est idéal. En fait. C'est idéal parce qu'il suffit de trouver le bon sol. Et avec un climat aussi chaud, j'allais dire doux, mais aussi chaud, c'est très facile d'acclimater les épices. D'ailleurs, il est arrivé aux Seychelles en 1772. Les épices, une fois acclimatées sous ces latitudes tropicales, vont pouvoir être ramenées progressivement en France. Quand est-ce qu'on a planté carrément de ces arbres tropicaux en France même ? Est-ce qu'il y en a eu de plantés ? À l'Orient, il y avait quand même des serres spécialement conçues pour que toutes les plantes qui viennent du fin fond des tropiques, hein, puissent être acclimatées avant d'arriver à Versailles. Mais bon, pour acclimater un giroflier et un muscadier, c'est très difficile parce que même aujourd'hui, on a du mal dans des serres modernes. Ce sont des plantes très fragiles, c'est ça, qui ont besoin qui de conditions très spéciales. Il leur faut énormément de chaleur, beaucoup d'humidité, pas de vent. Poivre est un observateur, il est capable de, à la manière d'un Jussieu, il est capable d'expliquer ce qui convient à une plante ou ce qui ne lui convient pas. Mais il est botaniste, mais il est surtout jardinier, donc il sait utiliser les bons outils. C'est faire les greffons, tout ça, etc. Voilà, et puis les cultiver, parce que apporter une plante sur un territoire, c'est facile, mais il faut la conserver. Et ça, il sait faire, Pierre Poivre. Oui, et finalement, il sait faire beaucoup de choses, et on a l'impression qu'autour de lui, les gens ne bougent pas tellement. Voilà un homme qui œuvre dans une forme d'indifférence générale. Nous y venons dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Pierre Poivre cet après-midi. Il était chasseur d'épices sous Louis XV. Nous suivons son voyage, ses aventures, son itinéraire avec votre invité Franck Ferrand. Vous êtes à Lyon avec Jean-Pierre Grienet. Il est jardinier, botaniste au jardin botanique de la ville de Lyon. Et nous ne sommes pas tout seuls, car autour de la table, il y a Jean-Pierre Grienet et Lorena Martin. Mais dans le studio, il y a le public lyonnais et notamment les étudiants de Sup de Pub. 27 étudiants de Sup de Pub qui sont venus au milieu de ce public. Ah, c'est la fête à Lyon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la fête des Lumières qui commence aujourd'hui. Pendant 4 jours, on va illuminer tous les monuments, les rues, les places de la ville. On va en faire un véritable centre luminescent de la culture de toute l'Europe. C'était en train d'ailleurs d'essaimer un peu partout dans le monde, cette histoire de fête des Lumières. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, revenons à notre Pierre Poivre, que nous avons présenté comme un jardinier, botaniste et navigateur, disons-le, mais qui est aussi une forme d'intellectuel. C'est un savant dans son genre. Ce Pierre Poivre, Jean-Pierre Grienet. Oui, il s'intéresse à tout, à toutes les sciences. Aux langues, il parle chinois, par exemple. Il parle le chinois, le cochin chinois et le malais. C'est incroyable. Il parle aujourd'hui ces trois langues. C'est magnifique. C'est impressionnant. Mais en fait, c'est un gentil. Il n'est jamais arrivé comme un conquérant sur les nouvelles terres où il voyageait. Et du coup, il s'est fait des amis un peu de partout. C'est pour ça qu'en fait, on lui a offert les épices. C'est pour ça que le terme de voler les épices, je trouve que c'est un peu fort. Ça ne vous plaît pas, ça, c'est évidemment. Non, pour vous, il faut que ce monsieur soit parfaitement bien intentionné et parfaitement honnête et droit. Vous en êtes convaincu ou vous voulez le voir comme ça, finalement? En fait, je m'amuse à parcourir les archives depuis 7 ans sur Pierre Poivre, aussi bien en France, en métropole, mais aussi à La Réunion, à Maurice et aux Seychelles. Et on s'aperçoit... Vous allez sur place, il y a des archives encore qui parlent de lui là-bas? Il y a beaucoup d'archives dans l'océan Indien concernant Pierre Poivre. On a trouvé des sujets moins agréables. C'est bien les fonds d'archives qui se trouvent à l'île Maurice, finalement. Vous avez trouvé un sujet d'étude idéal, vous. Ah oui, c'est superbe. Oui. On a même l'impression, alors je ne sais pas ce qu'en pense Lorena Martin, qui est beaucoup plus calée que moi sur ce plan. Est-ce que c'est purement psychologique? Mais j'ai l'impression qu'on sent des épices étonnantes. Là, c'est moi qui... Non, c'est psychologique. Là, oui, psychologique. Oui, c'est psychologique, oui. Je suis à moitié malade, vous me le confirmez. Mais c'est bien ce que je pensais. Mais moi, j'ai l'impression de sentir un peu là, de la noix muscade, etc. Notamment. Ça a été difficile pour lui, hein, cette acclimatation-là, tout spécialement. Il a mis 25 ans de sa vie quand même à les récupérer, hein, pas rien, et à les planter sur sol français. Donc, c'est un homme qui s'intéresse à tout ce qui se passe sur un plan politique, non seulement pour des raisons commerciales que chacun aura maintenant comprises, mais aussi pour des raisons humaniste, si je puis dire. C'est un homme des Lumières, si j'ose dire. Hein, le jeu de mots est un peu gros avec la fête. On est en plein dedans. C'est un homme des Lumières, Pierre Poivre, non? Bien, en fait, quand il a été intendant des Îles-de-France et de Bourbon, il a vraiment amélioré le sort des esclaves, la vie des habitants, parce qu'il faut vraiment se dire qu'à l'époque, quand on était colon, la vie n'était pas géniale quand même là-bas. On manquait de nourriture, la vie était extrêmement difficile. Et surtout, il a un côté, Pierre Poivre, c'est un peu le premier écologiste de l'histoire. Il est écologiste, il s'intéresse à ce que deviennent les gens qui travaillent avec lui, il s'intéresse à l'esclavage aussi, qui est un phénomène très répandu dans un certain nombre des contrées qu'il est amené à traverser, bien sûr. Hein. Alors, il est envoyé par le roi de France, donc c'est sa mission, il ne peut pas non plus trop critiquer l'esclavage. Mais néanmoins, il arrive quand même à améliorer le sort des esclaves, notamment sur le poids qu'ils peuvent porter, le fait de se marier. Il y a quand même une amélioration qui est faite à cette époque. Vous parlez du roi de France. Quel est son rapport avec l'administration? On a l'impression qu'il a fait tout ça dans une forme d'indifférence et qu'on ne l'a pas beaucoup aidé depuis Versailles, depuis Paris, depuis Lyon, en fait. Il est très loin de tout en même temps, c'est vrai. Il y a le ministre Bertin, entre autres, très important. Était son ami. Mm-hmm. Donc il a été soutenu hein, quand même par certains ministres. Et le problème, c'est qu'il avait beaucoup d'ennemis qui n'avaient pas du tout envie de voir l'introduction des épices dans ces îles-là, puisque pour certains, c'était des îles qui devaient servir uniquement comme escale pour aller faire la guerre en Inde. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est à Lyon, que les parents de Pierre Poivre étaient lyonnais, qu'ils travaillaient dans le monde des étoffes, hein, de la passementerie, en l'occurrence. Ouais. Et donc, il s'est intéressé forcément aux plantes de teinturerie, j'imagine. Il a passé plusieurs années de sa vie en Inde, du côté de Pondichéry, pour justement étudier plein de plantes tinctoriales locales, pour se dire, enfin, il avait envie que ces plantes, si on arrivait à les cultiver en bord de Saône, par exemple, à côté de Lyon, on pouvait trouver d'autres couleurs qui allaient se retrouver sur les étoffes de soie. Où meurt-il? On imagine que ça va être dans une île très lointaine, sous des cocotiers incroyables, et vous nous dites, non, il est mort ici, il est mort à Lyon. Il est mort Place Bellecour, aussi Place Bellecour. Contrairement à ce que plusieurs biographies... Oui. Il y a beaucoup de biographies qui racontent qu'il est mort dans sa propriété à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Il est mort Place Bellecour, dans son appartement qu'il louait, parce qu'il était souvent sollicité à Lyon, notamment à l'Académie des Arts et Lettres de Lyon. En fait, j'ai dit tout à l'heure qu'il était né en 1719. Il meurt en 1786. Il a couvert l'ensemble du XVIIIe siècle, hein, tous les règnes de Louis XV et Louis XVI, et même une toute petite partie de la Régence. Mmh. 1719, si je ne m'abuse, il suffit d'ajouter 300 ans, ça va bientôt être le tricentenaire de Pierre Poivre. J'espère que vous allez célébrer cet événement comme il se doit. Alors c'est prévu, on vient de terminer un colloque au mois d'octobre qui a réuni à peu près 70 personnes, des spécialistes, des passionnés, des enseignants, des chercheurs, des historiens qui ont déjà travaillé sur Pierre Poivre et le but c'était qu'ils se rencontrent. Mmh. Et là ils commencent à se mettre en place des projets sur Lyon mais aussi dans l'océan Indien. Des projets botaniques, des projets botaniques, culturels. En fait Pierre Poivre, quand on parle de Pierre Poivre, on parle de De tous les domaines, pratiquement. Un conseil pour tous les auditeurs qui sont en ce moment en chemin ou qui vont s'y mettre pour venir voir les fameuses lumières. Ils vont circuler dans tout le centre de la ville de Lyon là, pendant une soirée entière. Qu'est-ce qu'il faut voir du point de vue de la nature? Quels sont les beaux parcs à visiter à Lyon? On a la chance à Lyon d'avoir plein de parcs intéressants. Alors, c'est la vrai tête d'or, bien sûr. Évidemment, c'est vrai qu'à cette époque, c'est un peu plus, vu la saison, c'est un petit peu moins impressionnant. Mais le numéro un, c'est quand même le parc de la Tête d'Or, bien sûr, oui. Avec le jardin botanique, le parc en lui-même et le zoo. Ah oui, aussi, d'ailleurs. Ça l'intéressait, la zoologie, Poivre ? Oui. Oui. Bien, parce que quand on partait en expédition avant, il fallait rendre des comptes de ce qu'on voyait, aussi bien au niveau des graines, du sable, des roches, des animaux, des insectes. Ils savaient très bien empailler les animaux. Alors aujourd'hui, on dit empailler les animaux, c'est un peu bizarre. Mais c'était la seule façon de ramener des animaux pour les premiers musées de l'époque. Bien sûr. Donc, les galeries de curiosités, les cabinets, etc. C'était l'époque, disons-le, des grands savants et des grands marins. On parle toujours de Bougainville, on parle parfois de la Pérouse et de son expédition qui s'est mal finie. On oublie Pierre Poivre. Eh bien, j'espère que nous aurons aujourd'hui contribué, ici à Lyon, au milieu du public lyonnais, à parler enfin du Lyonnais Poivre. Dans un instant, nous abordons la fête des Lumières elle-même. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, Lyon lance sa traditionnelle fête des Lumières et vous êtes sur place, Franck et Ferrand, oui. Pour cette émission spéciale consacrée à Pierre Poivre. Et d'ailleurs, vous allez nous emmener maintenant au cœur de Lyon. Vous allez nous faire visiter la capitale des Gaules, Franck. Et vous voyez comme c'est la fête, Anissa, ici. Oui, on va parler de cette extraordinaire fête des Lumières qui est devenue un événement maintenant, on peut dire, international. C'est en 1989 qu'on commence à organiser cette fête des Lumières du point de vue de la mairie, des pouvoirs publics. Et puis, en 1999, on en fait le grand spectacle qui ne cessera de se développer. Aujourd'hui, une cinquantaine de sites sont confiés à toutes sortes de créateurs, de maîtres des Lumières, d'architectes de l'espace. Je ne sais même plus comment les appeler. Un événement d'ailleurs très intéressant. Ça dépasse ça largement le cadre de notre émission ici, mais quand même, sachez que le financement de la fête des Lumières est un financement public-privé assez particulier et assez extraordinaire. Alors d'où ça vient, la fête des Lumières en tant que telle? Au départ, ça vient de la fête de la Nativité de la Vierge. On est au moment où Louis XIII avouait le royaume à la Sainte Vierge. À la fin de son règne, en 1643, il y a des épidémies de peste considérables dans toute cette région rhodanienne et on fait un vœu, vous savez, c'est le fameux vœu des échevins, c'est-à-dire que le corps municipal de Lyon fait un vœu à la Vierge Marie pour protéger la cité, et c'est pour rendre grâce à la Vierge qu'on organise cette première procession de la Nativité de la Vierge. Ça a donc lieu, ça, forcément, le 8 septembre 1643. Alors vous dites, pourquoi passe-t-on du 8 septembre au 8 décembre? Eh bien, parce qu'en 1852, les choses ont changé. En 1852, on devait inaugurer sur la colline de Fourvière une statue de la Vierge sur une chapelle. Et il n'y avait pas encore la grande basilique de Fourvière, hein, bien sûr, à l'époque. Et il se trouve que des crues, des intempéries, etc., ont rendu très difficile l'installation. Donc, les organisateurs de la manifestation ont décidé de tout repousser de 3 mois. Du 8 septembre, on est passé au 8 décembre. Sauf que même le 8 décembre de cette année 1852, on est quelques jours seulement après la proclamation du Second Empire, d'ailleurs, même ce 8 décembre, les conditions climatiques ne sont pas réunies. On avait notamment prévu des embrasements, des feux de Bengale, des feux de joie, etc., dans tout Lyon. Tout ça a pris la pluie, les pétards sont mouillés, si je puis dire, et on se dit qu'on va être obligé, une fois encore, d'annuler la fête. Sauf que, vers la mi-journée, vers 15-16 heures, il se met à faire beau, et même très beau, il se met à faire sec, et les Lyonnais, de leur propre chef, vont spontanément décider d'illuminer leurs fenêtres, ils vont mettre des lampions, des lumignons, ils vont faire de même de Lyon la ville lumière. On n'est donc plus le 8 septembre, là, on est bien le 8 décembre 1852, et depuis, c'est pour commémorer ce moment extraordinaire, c'est pour commémorer dans la foi, car il s'agit au départ bien d'une manifestation d'ordre religieux, c'est pour commémorer cette grande fête de 1852 qu'on a continué d'allumer des lumières aux fenêtres. Alors, je vous l'ai dit, à la fin des années 1980 et surtout à la toute fin du XXe siècle, les choses ont pris un tout autre tour. C'était intelligent, d'ailleurs, de la part des autorités de l'époque, c'était intéressant d'utiliser créer ce tout nouvel art qu'on appelle le mapping, qui consiste à projeter sur les monuments, sur les façades, comme des espèces de rideaux de lumière qui viennent habiller les architectures, qui les épousent, qui les magnifient, qui les font vibrer et parler, qui leur donnent en quelque sorte vie. Ça, c'est magnifique. C'était une très bonne idée d'utiliser cette technologie au service de ce qui est devenu maintenant une grande fête, un grand événement. Alors, évidemment, certains d'entre vous se disent « Oh là là, mais il va y avoir un monde fou ». Ben oui, ça évidemment, si vous venez dans une grande manifestation comme ça, il va y avoir un monde fou. Mais ça fait partie de la fête, ça fait partie du plaisir, et puis ça tient chaud aussi, il faut bien le dire, à partir des heures tardives dans le froid de ce début du mois de décembre. Oh, le froid, allez, on va dire la fraîcheur lyonnaise, les brumes, il y a de moins en moins de brumes dans Mirlingue, la Brumeuse. Certains le regrettent d'ailleurs, mais ça nous entraînerait sur un autre plan. Moi, je vous dis une chose, venez à Lyon, venez profiter de ce spectacle qui vous en mettra plein la vue. Ce sont encore une fois une cinquantaine de sites qui sont illuminés, qui se mettent à parler, à bouger. C'est comme si d'un seul coup, le paysage se transformait en être vivant. C'est tout simplement dessillant, c'est spectaculaire et c'est inoubliable. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Alors, vous êtes chez vous à Lyon, vous. Évidemment, quand on parle de gastronomie, quand on parle de bonne table, etc., on est ici non seulement dans le primatiat catholique des Gaules, mais on est aussi dans la capitale de la gastronomie en France. Oui, complètement. Cette tradition remonte même au Moyen-Âge, à la Renaissance. Après Paris, c'est la ville la plus étoilée de France. Si on prend la référence du guide Michelin, quand on parle de Lyon, des on pense étoiles, à la, des à lumières, la tout ça est glamour. On pense à la rosette, aux saucissons briochés, à la quenelle, nature ou au brochet, à la cervelle de Canut. C'est cette spécialité fromagère baptisée ainsi en référence aux ouvriers de la soie appelés les Canuts, ou encore à la praline, en tarte ou en brioche. Et en fait, cette tradition est liée à sa situation géographique. Le célèbre chef Paul Bocuse parle d'un carrefour, puisqu'à proximité se trouvent les vignobles de Bourgogne, les coteaux du Lyonnais, le Beaujolais, le vignoble de Savoie, ah, etc. Ça, si on veut des matières premières extraordinaires, ici, c'est incroyable. Ça en regorge. Les viandes avec la volaille de Bresse, les fruits et primeurs de la vallée du Rhône. Lyon a toujours été une ville aussi plutôt riche, ce qui fait que par tradition, les bourgeois lyonnais ne recevaient pas forcément chez eux, mais se rendaient au restaurant. Et ces restaurants, on en a vu certains naître dès le 19e siècle, qui sont restés de grandes tables. De alors, très grandes il tables. Y a ici de véritables temples de la gastronomie. Vous allez les citer quand des même. Des adresses incontournables. Vous avez parlé de Paul Bocuse, bien sûr. Mais... comme Paul Bocuse à Collonges au Mont d'Or, qui est 3 étoiles portées depuis 1965. S'il vous plaît. Avez la mère Brasier, rue Royale à Lyon. On avait raconté sa vie il y a quelques années. Eugénie Brasier, tout à fait. Et c'est une maison vraiment emblématique que Mathieu Vianney, un jeune chef, a repris depuis quelques temps. Il est 2 étoiles. Il y a Guy Lassaucé à Chasselet, la pyramide à Vienne, qui est l'ancien fief de Fernand Point, qui a été repris par Patrick Henri Roux, et bien sûr Christian Tête-d'Oie sur la colline de Fourvière, et puis l'auberge de l'île Barbe par Jean-Christophe Ansanet. Alors, les gens vont encore se dire, moi je ne veux pas que nos auditeurs saturent le standard en disant, mais elle nous sort encore des adresses qui sont inaccessibles. Chère Lorena, faites-nous un chèque si vous voulez qu'on aille déjeuner dans tous ces endroits. Alors, parlez-nous aussi de tables plus accessibles. Mais vous avez ces petits bouchons, les petits restaurants typiques dans lesquels on déguste des plats traditionnels lyonnais dont j'ai parlé, donc la quenelle, la cervelle de Canut, le tablier de sapeur et autant de recettes en fait qui étaient transmises de génération en génération par ces mères lyonnaises, puisqu'il faut le souligner, à l'origine, la cuisine à Lyon est une cuisine de femmes. Souvent, le patron était donc le patron du bistrot et c'était les femmes qui faisaient la cuisine. Il faudra attendre Paul Bocuse dans les années 70 pour qu'il révolutionne la cuisine et qu'il rende un petit peu la dignité aux cuisiniers, qu'il les fasse sortir. Aux anciens maîtres queues du Moyen-Âge ou en tout cas de la Renaissance. D'où vient ce nom de bouchon dont on parle? Alors, il y a beaucoup d'explications. L'une d'elles, c'est que devant ces petits restaurants, il y avait des bottes de paille et on y attachait les chevaux des clients. Pendant qu'ils se restauraient, on bouchonnait, entre guillemets, les chevaux. On toiletait les montures des clients en les brossant avec une poignée de paille. Mais rien d'officiel. En fait, il y a beaucoup d'hypothèses et rien n'est confirmé. Une adresse de bouchon? Vous en avez plusieurs, bien sûr. Il y a le bouchon des filles à côté de la place Satonnet, dans une petite rue pavée. Ce sont des filles qui tiennent ce bouchon assez chaleureux avec des nappes à carreaux. C'est drôle que des filles tiennent le bouchon des filles. Complètement. C'est assez, voilà, ce sont des plats de tradition lyonnaise. Vous avez donc ces filles qui travaillaient d'ailleurs auparavant au Café des Fédérations, qui est un peu une institution à Lyon. Tous leurs plats sont faits maison, des tables resserrées, les nappes Vichy. Et puis le musée, qui est une ancienne écurie de l'hôtel de ville, qui ont été transformées en bouchon par trois sœurs, et parmi les meilleurs bouchons lyonnais, vraiment c'est très authentique. Et à propos de musée, tiens, ça me fait, je tenais absolument à dire un mot du merveilleux musée des tissus de Lyon, pour lequel on a eu si peur, rappelez-vous mes grandes alarmes l'année dernière. Semblerait que grâce à la Chambre de commerce et d'industrie et au conseil de région Rhône-Alpes, le musée, non seulement avec ses collections fabuleuses, une des plus extraordinaires collections au monde, soit sauvé, mais non seulement sauvé, mais maintenu dans ses murs, dans ses deux hôtels particuliers. On a envie de dire ouf et bravo. J'ai remarqué qu'on ne vous a pas applaudi. Vous allez applaudir Lorena Martin, bien entendu. Merci beaucoup, Lorena. Merci à vous, Jean-Pierre Grienet. Je rends l'antenne à Paris, à Nissa. Merci beaucoup Franck. Allez, dépêchez-vous de rentrer sur Paris pour une émission demain à 14h consacrée à Averroès. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.